C'est pas grave. On l'a fait pour. Et un morceau de Queen que j'aime bien aussi, c'est Hammer to Fall, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y en a un qui sait faire le riff? Putain, je cherche les accords, j'ai un bouquin diapason, il y a tous les accords qu'il me faut là. La dernière fois, il y a un mec, il voulait me faire faire des accords, mais il me disait pas ce que c'était comme accord, et il fallait que je me démerde, alors sympa. C'était des 7e, des 9e, des, tout ce que tu veux. Genre. Un sol dièse 4e, ré dièse mi 6. Putain, il sait d'accord. Moi j'en connais que 3 ou 4. Ok, quelque chose en toi! La nuit je mens, on m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Ah ouais, j'avais vu un mec qui jouait ça, c'était bien ça. La nuit je mens. Putain, ça tient pas ce truc. C'est ma guitare qui s'approche de l'ordinateur qui fait du bruit. C'est pour trop aigu pour moi. Tu me le fais en do. En do. Yeah. combien de mesures? J'ai pas les paroles. Ah, mais si, j'ai pas de... ça me fait... La lumière est partie. Y a plus de lumière. Un autre monde. J'ai trouvé une utilité à l'iPad. C'est quoi ce scap? Ça faut que ça aille à moins 12 maxi, c'est ça un truc. J'avais les paroles.